Section 21 de Les Natchez par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan. Deuxième partie, suite et fin. Maintenant, chaque minute aux Natchez appartenait à la mort. Quelques heures de plus d'absence et René était à l'abri de la catastrophe, déjà commencée peut-être pour ses compatriotes. Ah, si Tchelouta, aux dépens de sa vie, eût pu précipiter la fuite du temps. Un nouveau bruit se fait entendre. Sont-ce les meurtriers qui viennent chercher René dans sa cabane? Ils ne l'y trouveront pas. Serait-ce le frère d'Amélie lui-même? Tchelouta s'élance à la porte. Ô prodige, Mila, Mila échevelée, pâle, amaigrie, recouverte de lambeaux comme si elle sortait du sépulcre, et charmante encore. Tchelouta recule au fond de la cabane. Elle s'écrie, ombre de ma sœur! « Me viens-tu chercher? Le moment fatal est-il arrivé ?»« Je ne suis point un fantôme, » répondit Mila, déjà tombée dans le sein de son amie. « Je suis ta petite Mila. » Et les deux sœurs entrelaçaient leurs bras, mêlaient leurs pleurs, confondaient leurs âmes. Mila dit rapidement, « Après la découverte du secret, Ondouré me fit enlever. Ils m'ont enfermée dans une caverne et m'ont fait souffrir toutes sortes de maux. Mais je me suis ri des alouès. Cette nuit, je ne sais pourquoi, mes geôliers se sont éloignés de moi un moment. Ils étaient armés, et ils sont allés parler à d'autres guerriers sous des arbres. Moi, qui cherchais toujours les moyens de me sauver, j'ai suivi ces méchants. Je me suis glissé derrière eux. Une fois échappés, ils auraient plutôt attrapé l'oiseau dans la nue que Mila dans le bois. J'accours. Où est Outougamiz? Le guerrier blanc est-il arrivé? Lui as-tu dit le secret, comme je le lui vais dire? Il y a encore 8 nuits avant la catastrophe, si ce beau jongleur amoureux m'a dit vrai sur le nombre des roseaux. « Oh, Mila, » s'écrie Tchelouta, « je suis la plus coupable, la plus infortunée des créatures. J'ai avancé la mort de René, j'ai dérobé 8 roseaux. C'est à l'heure même où je te parle que le coup est porté. »« Tu as fait cela ?» dit Mila. « Je ne t'aurais pas cru si courageuse. René est-il arrivé ?»« Non, » repartit Tchelouta. « Eh bien, » dit Mila, « que te reproches-tu? Tu as sauvé mon libérateur. Tu n'as plus que quelques heures à attendre. Mais que fais-tu? Que fait Outougamiz pendant ces heures? Tu commences toujours bien, Tchelouta, et tu finis toujours mal. Crois-tu que tu sauveras René en te contentant de pleurer sur ta natte? Je ne sais point demeurer ainsi tranquille. Je ne sais point sacrifier mes sentiments. Je ne sais point douter de la vertu de mes amis, les soupçonner, m'attendrir sur une patrie impitoyable. Et gardez le secret des assassins. Méchants, vous m'avez laissé échapper de mon tombeau. Je viens révéler vos iniquités. Je viens sauver mon libérateur, s'il n'est point encore tombé entre vos mains. » Mila, échappée au bras de sa sœur, fait en s'écriant, « Nous perdons des moments irréparables. » Depuis le jour où René avait rencontré l'Indienne qui lui enseigna sa route, il s'était avancé paisiblement vers le pays des Natchez. À mesure qu'il marchait, il se trouvait moins triste. Ses noirs chagrins paraissaient se dissiper. Il touchait au moment de revoir sa femme et sa fille, objets charmants qui n'avaient contre eux que le malheur dont le frère d'Amélie avait été frappé. René se reprochait sa lettre. Il se reprochait cette sorte d'indifférence qu'un chagrin dévorant avait laissée au fond de son cœur. Démentant son caractère, il se laissait aller peu à peu aux sentiments les plus tendres et les plus affectueux. Retour au calme qui ressemblait à ce soulagement que le mourant éprouve avant d'expirer. Tchelouta était si belle, elle avait tant aimé René, elle avait tant souffert pour lui. Outougamiz, Chactas, d'Artaguet, Mila, attendaient René. Il allait retrouver cette petite société supérieure à tout ce qui existait sur la terre. Il allait élever sur ses genoux cette seconde Amélie, qui aurait les charmes de la première sans en avoir le malheur. Ces idées, si différentes de celles qu'il nourrissait habituellement, amenèrent René jusqu'à la vue des bois des Natchez. Il sentit quelque chose d'extraordinaire en découvrant ces bois. Il en vit sortir une fumée qu'il prit pour celle de ses foyers. Il était encore assez loin et il précipita sa marche. Le soleil se coucha dans les nuages d'une tempête et la nuit la plus obscure, celle même du massacre, couvrit la terre. René fit un long détour afin d'arriver chez lui par la vallée. La rivière qui coulait dans cette vallée, ayant grossi, il eut quelque peine à la traverser. 2 heures furent ainsi perdues dans une nuit dont chaque minute était un siècle. Comme il commençait à gravir la colline sur le penchant de laquelle était bâtie sa cabane, un homme s'approcha de lui dans les ténèbres pour le reconnaître et disparut. Le frère d'Amélie n'était plus qu'à la distance d'un trait d'arc de la demeure qu'il s'était bâtie. Une faible clarté, s'échappant par la porte ouverte, en dessinait le cadre au dehors, sur l'obscurité du gazon. Aucun bruit ne sortait du toit solitaire. René hésitait maintenant à entrer. Il s'arrêtait à chaque demi-pas. Il ne savait pourquoi il était tenté de retourner en arrière, de s'enfoncer dans les bois et d'attendre le retour de l'aurore. René n'était plus le maître de ses actions. Une force irrésistible le soumettait au décret de la Providence. Poussé presque malgré lui jusqu'au seuil qu'il redoutait de franchir, il jette un regard dans la cabane. Tchelouta, la tête baissée dans son sein, les cheveux pendants et rabattus sur son front, était à genoux, les mains croisées, les bras levés, dans le mouvement de la prière la plus humble et la plus passionnée. Un maigre flambeau, dont la mèche allongée par la durée de la veille obscurcissait la clarté, brûlait dans un coin du foyer. Le chien favori de René, étendu sur la pierre de ce foyer, aperçut son maître et donna un signe de joie, mais il ne se leva point, comme s'il eût craint de hâter un moment fatal. Suspendu dans son berceau à l'une des solives sculptées de la cabane, la fille de René poussait de temps en temps une petite plainte que Tchelouta, absorbée dans sa douleur, n'entendait pas. René, arrêté sur le seuil, contemple en silence ce triste et touchant spectacle. Il devine que ses vœux adressés au ciel sont offerts pour lui. Son cœur s'ouvre à la plus tendre reconnaissance. Ses yeux, dans lesquels un brûlant chagrin avait depuis longtemps séché les larmes, laissent échapper un torrent de pleurs délicieux. Il s'écrie « Tchelouta, ma Tchelouta !» Il vole à l'infortuné qu'il relève, qu'il presse, avec ardeur. Tchelouta veut parler, l'amour, la terreur, le désespoir lui ferment la bouche. Elle fait de violents efforts pour trouver des accents, ses bras s'agitent, ses lèvres tremblent, enfin un cri aigu sort de sa poitrine et lui rendant la voix « Sauvez-le, sauvez-le, esprit secourable, emportez-le dans votre demeure !» Tchelouta jette ses bras autour de son époux, l'enveloppe et semble vouloir le faire entrer dans son sein pour l'y cacher. René prodigue à son épouse des caresses inaccoutumées. « Qu'as-tu, ma Tchelouta ?» lui disait-il. « Rassure-toi, je viens te protéger et te défendre. » Tchelouta, regardant vers la porte, s'écrie « Les voilà, les voilà !» Elle se place devant René pour le couvrir de son corps. « Barbare, vous n'arriverez à lui qu'à travers mon sein !»« Ma Tchelouta !» dit René. « Il n'y a personne qui te peut troubler ainsi. » Tchelouta, frappant la terre de ses pieds, « Fuis, fuis, tu es mort. Non, viens, cache-toi sous les peaux de ma couche. Prends des vêtements de femme. » L'épouse, désolée, arrachant ses voiles, en veut couvrir son époux. « Tchelouta, disait celui-ci, reprends ta raison. Aucun péril ne me menace. »« Aucun péril ? » dit Tchelouta l'interrompant. « N'est-ce pas moi qui te tue ? N'est-ce pas moi qui hâte ta mort ? « N'est-ce pas moi qui en ai fixé le jour en dérobant les roseaux ?»« Un secret, ô ma patrie !»« Un secret ?» repartit René. « Je ne te l'ai pas dit, » s'écrie Tchelouta. « Oh, ne perds pas ce seul moment laissé à ton existence. Fuyons tous deux. Viens te précipiter avec moi dans le fleuve. » Tchelouta est aux genoux de René. Elle baise la poussière de ses pieds. Elle le conjure par sa fille de s'éloigner seulement pour quelques heures. « Au lever du soleil, » dit-elle, « tu seras sauvé. » « Outougamis viendra. Tu sauras tout ce que je ne puis te dire dans ce moment. »« Eh bien, » dit René, « si cela peut guérir ton mal, je m'éloigne. Tu m'expliqueras plus tard ce mystère, qui n'est sans doute que celui de ta raison troublée par une fièvre ardente. » Tchelouta, ravie, s'élance au berceau de sa fille, présente Amélie au baiser de son père et, avec ce même berceau, pousse René vers la porte. René va sortir. Un bruit d'armes retentit au dehors. René tourne la tête. La hache lancée l'atteint et s'enfonce dans son front, comme la cognée dans la cime du chêne, comme le fer qui mutile une statue antique, image d'un dieu et chef-d'œuvre de l'art. René tombe dans sa cabane. René n'est plus. Ondouré a fait retirer ses complices. Il est seul avec Tchelouta évanoui, étendu dans le sang et auprès du corps de René. Ondouré rit d'un rire sans nom. À la lueur du flambeau expirant, il promène ses regards de l'une à l'autre victime. De temps en temps, il foule aux pieds le cadavre de son rival et le perce à coups de poignard. Il dépouille en partie Tchelouta et l'admire. Il fait plus. Éteignant ensuite le flambeau, il court présider à d'autres assassinats, après avoir fermé la porte du lieu témoin de son double crime. Heureuse, mille fois heureuse, si Tchelouta n'avait jamais rouvert les yeux à la lumière. Dieu ne le voulut pas. L'épouse de René revint à la vie quelques instants après la retraite d'Ondouré. D'abord, elle étend les bras et trempe ses mains dans le sang répandu autour d'elle, sans savoir ce que c'était. Elle se met avec effort sur son séant, secoue la tête, cherche à rassembler ses souvenirs, à deviner où elle est, ce qu'elle est. Par un bienfait de la Providence, l'Indienne n'avait pas sa raison. Elle ne se formait qu'une idée confuse de quelque chose d'effroyable. Elle plia ses bras devant elle, promena ses regards dans la cabane où les ténèbres étaient profondes. Le silence de la mort n'était interrompu de temps en temps que par les hurlements du chien. Tchelouta voulut inutilement murmurer quelques mots. Dans ce moment, elle crut voir Tabamika, sa mère. Les mamelles qui nourrirent Tchelouta avaient disparu. Les lèvres de la femme des morts s'étaient retirées et laissaient à découvert des dents nues. Elle était sans nez et sans yeux. D'une main décharnée, Tabamika semblait presser des entrailles qu'elle n'avait pas. Tchelouta veut s'avancer vers sa mère. Elle se lève, retombe sur ses genoux et se traîne au hasard dans sa cabane. Ses vêtements, à demi détachés, faisaient entendre le froissement d'une draperie pesante et mouillée. Elle rencontra le corps de René. Épuisée par ses efforts, elle s'assied sans le reconnaître sur ce siège. Elle s'y trouva bien et s'y reposa. Au bout de quelque temps, la porte de la cabane s'entr'ouvrit et une voix dit tout bas « Es-tu là ?» Tchelouta, rappelée par cette voix à une demi-existence, répondit « Oui, je suis là. »« Ah, dit Mila, est-il venu ?»« Qui ?» demanda Tchelouta. « René, repartit Mila. « Je ne l'ai pas vu, dit Tchelouta. « Et moi, je ne l'ai pu trouver, dit Mila, toujours à voix basse. « Les assassins n'ont donc pas encore paru ? Ton mari n'est donc pas revenu ? Il est donc sauvé ?» Tchelouta ne répondit rien. « Pourquoi, reprit Mila, es-tu sans lumière ? J'ai peur et je n'ose entrer. » Tchelouta répondit qu'elle ne savait pas pourquoi elle était sans lumière. « Comme ta voix est extraordinaire, s'écria Mila. « Es-tu malade ? La cabane sent le carnage. Attends, je viens à toi. » Mila franchit le seuil et laissa retomber la porte. « Qu'as-tu répandu sur les nattes ? » dit-elle en marchant dans l'obscurité. « Mes pieds s'attachent à la terre. Où es-tu ? Tends-moi la main. »« Ici, » dit Tchelouta. « Je ne puis aller plus loin, » repartit Mila. « Je me sens défaillir. » La porte de la cabane s'entr'ouvrit de nouveau. La voix de Tougamise appelle Tchelouta. « C'est où Tougamise ? » s'écria Mila. « Dieu soit loué, nous sommes sauvés. »« Qui parle ?» dit Otougami, saisi de terreur. « N'est-ce pas Mila ? Cher fantôme, es-tu venu sauver René ?»« Oui, » repartit Mila, « mais entre vite, Tchelouta n'est pas bien. » Otougami, croyant entendre le fantôme de Mila, entre en frissonnant dans la cabane. « Donne-moi la main, » dit Mila, « appuie-la sur mon cœur. Tu verras que je ne suis pas un spectre. On m'avait enfermé dans une caverne, je me suis échappé. » Mila avait saisi la main d'Outougamise, étendue dans les ténèbres, et avait posé cette main sur son cœur. « C'est comme la vie, » dit Outougamise, « mais je sais bien que tu es morte. Je te sais toujours gré d'être revenue pour sauver René. Mais Tchelouta, parle donc. « M'appelle-t-on ? » dit Tchelouta. « Est-ce que tu réponds du fond d'une tombe ? » s'écria Outougamise, frappée de la voix sépulcrale de sa sœur. « Je respire un champ de bataille. J'ai du sang sous mes pieds. « Du sang !» s'écria Mila. « Allume donc un flambeau !»« Fantôme, répond Otougamise, donne-moi la lumière des morts. » Otougamise cherche en tâtonnant le foyer. Il y trouve de la mousse de chêne et de pierres à feu. Il frappe ces deux pierres l'une contre l'autre. Une étincelle tombe sur la mousse et soudain une flamme s'élève au milieu du foyer. Trois cris horribles s'échappent à la fois du sein de Tchelouta, de Mila et d'Outougamise. La cabane inondée de sang, quelques meubles renversés par les dernières convulsions du cadavre, les animaux domestiques montés sur les sièges et sur les tables pour éviter la souillure de la terre, Tchelouta, assise sur la poitrine de René et portant les marques de deux crimes qui auraient fait rebrousser l'astre du jour, mit là debout, les yeux à moitié sortis de leur orbite, Outougamise, le front sillonné comme par la foudre, voilà ce qui se présentait au regard. Mila rompt la première le silence. Elle se précipite sur le cadavre de René, le serre dans ses bras, le presse de ses lèvres. « C'en est donc fait, » s'écrie-t-elle. « Oh, mon libérateur, faut-il que je te revoie ainsi ? Lâches amis, cœurs pusillanimes, c'est vous qui l'avez assassiné, par vos indignes soupçons, par vos irrésolutions éternelles. Félicite-toi, Outougamise, d'avoir bien gardé ton secret. Mais à présent, ranime donc ce cœur qui palpitait pour toi d'une amitié si sainte. Oh, tu es un sublime guerrier. Je reconnais ta vertu, mais ne m'approche jamais. Je préférerais à tes embrassements ceux du monstre dont tu vois l'œuvre dans cette cabane. » Le désespoir ôtait la raison à la jeune indienne, d'abord amante et ensuite amie de René. Outougamise l'écoutait, muet comme la pierre du sépulcre. Puis tout à coup, « Hors d'ici, fantôme exécrable, ombre sinistre, ombre affamée qui veut dévorer mon ami !»« Ton ami ?» dit Mila en relevant la tête. « Tu oses te dire l'ami de René ? Ne devrais-tu pas plutôt, comme cette femme sans amour, évanouie maintenant sur cette dépouille sanglante, ne devrais-tu pas supplier la terre de t'engloutir ? Moi seul, j'ai aimé René. En vain, tu feins de me croire un fantôme. J'existe. Je sors de la caverne où m'avaient plongé les scélérats dont j'allais révéler les desseins. As-tu pu jamais croire que tu étais obligé au secret ? As-tu pu te figurer que la liberté serait le fruit du crime ? Ici, Tchelouta parut revenir à la vie. Elle ouvrit les yeux et se souleva. Ses idées se débrouillèrent. Elle se ressouvient de ses malheurs. Elle reconnaît Mila et Outougamise. Elle reconnaît la dépouille mortelle du plus infortuné des hommes. La douleur lui rend les forces. Elle se lève, elle s'écrie « C'est moi qui l'ai assassiné !»« Oui, c'est toi !» s'écrie à son tour Mila, devenue cruelle par le désespoir. « René !» dit Tchelouta du ton le plus passionné, parlant au cadavre de son époux. « Je te voulais dire avant de mourir que mon âme t'adorait, comme elle adore le grand esprit, que ta lettre n'avait rien changé au fond de mon cœur, que je te révérais comme la lumière du matin, que je te croyais aussi innocent que l'enfant qui n'a fait encore que sourire à sa mère. « Pourquoi donc, dit Mila, as-tu gardé le secret ? Que n'en instruisais-tu les Français, puisque tu ne pouvais l'apprendre à ton mari absent ?» Mila pousse des sanglots, et ses larmes descendent à flots pressés comme la pluie de l'orage. Le frère de Tchelouta, s'approchant alors avec respect du corps de son ami, Mila dit que tu n'étais pas coupable. Quel bonheur ! Tu as donc pu mourir ! Malgré son désespoir, Mila comprit ce mot, et tendit une main désarmée au jeune sauvage. Outougamise, continuant, « Je leur avais bien dit que je n'aimais point, que j'étais un mauvais ami, que je te tuerais. Je suis pourtant sorti du lac souterrain pour te sauver. J'ai couru de toutes parts. Des guerriers qui prétendaient t'avoir vu m'ont égaré. Je suis simple, on me trompe toujours. Tu es mort seul, je mourrai aussi, mais il faut auparavant... J'attendrai pourtant que la patrie n'ait plus besoin de lui, car il faudra maintenant défendre la patrie. » Dans ce moment, Tchelouta fut saisie de convulsions. Un ruisseau de sueur glacée sillonne son front. Elle cherche à s'étrangler, se roule d'un côté sur l'autre, pousse des espèces de mugissements. Outougamise et Mila volent à son secours. Tchelouta les regarde et leur dit, en pressant ses flancs, « Le savez-vous ? La mort m'a-t-elle fait violence ?» Mila jette un cri. Elle a deviné. Outougamise, qui n'a pas compris, veut parler encore. « Tu ne sais rien, » lui dit Mila en l'interrompant. « Le cadavre de ton ami est un spectacle délicieux auprès de ce que j'entrevois. » Le jour commençait à poindre. Le canon se fait entendre du côté du fort Rosalie. Les parentes de Chactas arrivent à la cabane de René. Elles venaient féliciter Tchelouta de l'absence de son mari. Elles rencontrent cette scène épouvantable. « Femme, » dit Outougamise, « on se bat. » Je dois mon sang à mon pays, quelque coupable qu'il puisse être. Je laisse entre vos mains ce que j'ai de plus cher au monde, ma femme qui n'est point morte, comme on l'avait dit, ma sœur si misérable, et les restes de mon ami. Je reviendrai bientôt. » Il sort et marche vers le lieu où l'appelait le bruit des armes. Les femmes enlevèrent Tchelouta et Mila, qu'elles placèrent dans les bras l'une de l'autre sur un lit de feuillage. Elles laissèrent le corps de René dans la cabane, qu'elles fermèrent. Elles portèrent les deux amis à l'ancienne demeure de Chactas et leur prodiguèrent les soins les plus tendres. Il eût été plus humain de les laisser mourir. Tous les colons périrent au Natchez. 17 personnes seulement échappèrent au massacre. Parmi les soldats blessés qui se défendirent et se sauvèrent, se trouva le grenadier Jacques. Le fort avait été escaladé dans les ténèbres, et les sentinelles égorgées avant qu'on sût que les Indiens étaient en armes. Par l'imprudence du commandant, la garnison était à peine d'une centaine d'hommes, tout le reste ayant été dispersé dans différents postes le long du fleuve. Shepard, qui n'avait jamais voulu croire à la conjuration, accourut au bruit qui se faisait sur les remparts et tomba sous la hache d'Adario. Febriano, qui fut rencontré par Ondouré, reçut la mort de la main de ce sauvage, son corrupteur et son complice. Il n'y eut de résistance chez les Français que dans une maison particulière. Adario, qui commandait l'attaque, y fut tué. Il expira plein d'une grande joie. Il crut avoir délivré sa patrie et vengé ses enfants. Les coups de canon entendus d'Outougamiz avaient été tirés en signal de la victoire par les Indiens eux-mêmes, après la conquête du fort. Le frère de Tchelouta, trouvant que son bras était inutile, retourna à la cabane de René. Il s'assit auprès des restes inanimés du guerrier blanc. D'un air de mystère, il approcha l'œil d'une des blessures de son ami, comme pour voir dans le sein de René. Joignant les mains avec admiration, l'insensé dit quelques mots d'une tendresse passionnée. Il prit ensuite un petit vase de pierre sur une table, recueillit du sang de René, qu'il réchauffa avec le sien, après s'être ouvert une veine. Il trempa le Manitou d'or dans le filtre de l'amitié. Il remit la chaîne à son cou. La rage d'Ondouré était assouvie, mais non sa passion. Sortant d'une épouvantable orgie, enivré de vin, de succès, d'ambition et d'amour, il voulut revoir Tchelouta. Dans toute la pompe du meurtre et de la débauche, il s'avance au sanctuaire de la douleur. Ses crimes marchaient avec lui, comme les bourreaux accompagnent le condamné. Les bruyants éclats de rire du tuteur du soleil et de ses satellites se faisaient entendre au loin. Ondouré arrive à la cabane. Il avait ordonné à ses amis de se tenir à quelque distance, car il avait ses desseins. Il recule quelques pas, lorsque, au lieu de Tchelouta, il n'aperçoit qu'Outougamiz. Reprenant bientôt son assurance, « Que fais-tu là ? » dit-il à l'Indien. « Je t'attendais, » répondit celui-ci. « J'étais sûr que tu viendrais avec tes enfants célébrer le festin du prisonnier de guerre. Apportes-tu la chaudière du sang ? C'est un excellent mets qu'une chair blanche. Ne dévore pas tout. Je ne te demande que le cœur de mon ami. »« C'est juste, » dit l'atroce Ondouré. « Nous te le réserverons. » De nouveaux rires accompagnèrent ces paroles. « Mais dis-moi, » continua le pervers, à qui la vapeur du vin ôtait la prévoyance, « où est ta sœur ? Comme elle a été fidèle cette nuit à ce beau guerrier blanc, elle a perdu pour moi toute sa haine. Elle m'a pardonné mon amour pour Akansi. Viens, ma charmante colombe, où es-tu donc ? M'accorderas-tu un second rendez-vous ?» Et Ondouré entra dans la cabane. Outougami se lève, s'appuyant sur un fusil de chasse que lui avait donné René. « Illustre chef, dit-il, changeant tout à coup de langage et de contenance. « Tous nos ennemis sont-ils morts ?»« En doutes-tu » s'écria Ondouré. « Ainsi, dit Outougamiz, la patrie est sauvée. Elle n'a plus besoin de défenseurs. Tout est-il en sûreté pour l'avenir ? Peux-tu, fameux guerrier, te reposer en paix ?»« Oui, mon cher Outougamiz, répond le tuteur du soleil, qui n'avait pas ce qu'il fallait pour comprendre à la fois et le danger et la magnanimité de la question. « Oui, je puis me reposer sans neige avec ta sœur sur la natte du plaisir. » Le corps de René séparait Ondouré d'Outougamiz. « La nuit, dit celui-ci, a été fatigante pour toi, Ondouré. Va donc à ton repos, puisque ton bras n'est plus nécessaire à la patrie. Je te vais rendre ta hache. » Outougamiz relève la hache avec laquelle le tuteur du soleil avait frappé René. Elle était restée dans la cabane. Ondouré avance le bras pour la reprendre. « Non. « Pas comme cela, » dit Outougamiz, et, levant la hache avec les deux mains, il fend d'un seul coup la tête du monstre, qui tombe sur le corps de René, sans avoir le temps de proférer un blasphème. Outougamiz sort, couche en joue les satellites d'Ondouré, et leur crie de cette voix de l'homme de bien si foudroyante pour le méchant, « Disparaissez, race impure, ou je vous immole auprès de votre maître. » Ces misérables, qui voyaient s'avancer une troupe de jeunes guerriers, amis du frère de Tchelouta, prennent la fuite. Les guerriers survenus déplorèrent de si grands malheurs. « Allons, leur dit Outougamiz, je reviendrai bientôt ici, mais il faut que j'aille dire à Mila et à ma sœur ce que le Manitou d'or a fait. » Tchelouta ne put entendre le récit de son frère. À chaque instant, on craignait de l'avoir expiré. Mila apprit la mort d'Ondouré avec indifférence. « C'était plutôt, dit-elle, que tu devais donner cette pâture au chien. » Outougamiz revint la nuit suivante chercher les restes sacrés du frère d'Amélie. Il les porta sur ses épaules, au bas de la colline, creusa dans un endroit écarté une fosse qu'il ne voulut montrer à personne. Il y déposa le corps de celui qui, pendant sa vie, n'avait cherché que la solitude. « Je sais, dit-il en se retirant, que je suis un faux ami, que je t'ai tué. Mais attends-moi, nous nous expliquerons dans le pays des âmes. » Le frère de Tchelouta n'avait plus rien à faire de la vie, mais il se voulait assurer que sa sœur n'avait plus besoin de lui, et que Mila se pouvait passer d'un protecteur. Déjà la lune avait parcouru trois fois sa carrière depuis la catastrophe tragique, et Tchelouta, toujours prêt de rendre le dernier soupir, semblait sans cesse revivre. La coupe de la colère céleste n'était point épuisée. Le génie fatal de René poursuivait encore Tchelouta, comme ces fantômes nocturnes qui vivent du sang des mortels. Elle refusait pourtant toute nourriture. Ses barbares amis étaient obligés de lui faire prendre de force quelques gouttes d'eau d'érable. Son corps, modèle de grâce et de beauté, n'était plus qu'un léger squelette, semblable à un jeune peuplier mort sur sa tige. Les longues paupières de Tchelouta n'avaient pas la force de se replier et de découvrir ses yeux éteints dans les larmes. Quand la veuve infortunée recouvrait la raison, elle était muette. Quand elle tombait dans la folie de la douleur, elle poussait des cris. Alors, elle faisait des efforts pour écarter deux spectres qui voulaient la dévorer à la fois, Ondouré et le frère d'Amélie. Elle voyait aussi une femme qui lui était inconnue et qui lui souriait d'un air de pitié du haut du ciel. Témoin des mots de son amie, la courageuse Mila avait eu honte de ses propres chagrins. Elle passait ses jours auprès de sa sœur, veillant à ses souffrances, la retournant sur sa couche, servant de mère à la fille de René. La tendre orpheline était déjà belle, mais sérieuse. Dans le sein de Mila, elle avait l'air d'une petite colombe blanche sous l'aile du plus brillant oiseau des forêts américaines. De temps en temps, Outougamiz venait voir sa femme et sa sœur. Il s'asseyait au bord de la couche, prenait la main de Tchelouta ou faisait danser Amélie sur ses genoux. Il se levait bientôt après, remettait l'enfant dans les bras de Mila et se retirait en silence. Le jeune homme dépérissait. Chaque jour, son front devenait plus pâle et son air plus languissant. Il ne parlait ni de René, ni de Tchelouta, ni de Mila. Tous les soirs, il visitait la petite urne de pierre remplie du sang de René, et l'on remarquait avec surprise que ce sang ne se desséchait point. Outougamiz laissait suspendu autour de l'urne le Manitou d'or qu'il ne portait plus. Un soir, il était venu rendre sa visite accoutumée à sa sœur. Mila et plusieurs indiennes étaient rangées autour du lit des tribulations. Tout à coup, à leur profond étonnement, Tchelouta se soulève et s'assied d'elle-même sur sa couche. On ne lui avait point encore vu l'air qu'elle avait dans ce moment. C'était pour la douleur et la beauté quelque chose de surhumain. Elle baissa d'abord la tête dans son sein, mais, relevant bientôt son front pâle où s'évanouissait une faible rougeur, elle dit d'une voix assurée « Je voudrais manger ». Ces mots surprirent Outougamiz. C'étaient les premiers que Tchelouta eut prononcés depuis la nuit de ses malheurs, et elle avait constamment repoussé toute nourriture. Pensant qu'elle revenait de son désespoir et qu'elle se déterminait à vivre, les matrones firent une exclamation de joie et s'empressèrent de lui porter du maïs nouveau. Mais Mila, regardant Tchelouta, lui dit « Tu veux manger ?»« Oui, » repartit Tchelouta, la regardant à son tour. « Il faut à présent que je vive. » Mila lève les mains au ciel et s'écrie « Oh, vertu !» Outougamiz, rompant lui-même son silence obstiné, dit « Qu'avez-vous ?»« Adore, » reprit Mila, « ce que tu vois ici n'est pas une femme, c'est la compagne d'un génie. » « Pourquoi le tromper ?» dit Tchelouta. « Mon ami, » ajouta-t-elle en se tournant vers son frère, « ma destinée s'accomplit au-delà de moi. Je viens de découvrir dans mon sein un fantôme né de la mort. » Outougamiz s'enfuit. Tchelouta était mère. Elle se résigna à la vie. dernier degré de vertu et de malheur, où jamais fille d'Adam soit parvenue. Mais la nature ne s'élève pas ainsi au-dessus d'elle-même, sans souffrir jusque dans sa source. Le lendemain, au rayon du jour, on s'aperçut que le visage de la veuve de René était devenu de la couleur de l'ébène, et ses cheveux de celle du cygne. Quelques soleils éclaircirent les ombres du front de Tchelouta, mais ne firent point disparaître de sa chevelure la vieillesse de l'adversité. Lorsque le capitaine d'Artaguette apprit la catastrophe des Natchez, l'assassinat de René et les misères de Tchelouta, il se sentit frappé au cœur. Il était attaché aux frères d'Amélie par une noble amitié. Il avait nourri en secret une tendre passion pour la femme qui lui conserva la vie en lui donnant le doux nom de frère. Rappelé à la Nouvelle-Orléans, il pleura avec Adélaïde, Harley, le grenadier Jacques et sa vieille mère. Outougamise avait caché la tombe de René. D'Artaguette fit célébrer un service à la mémoire du frère d'Amélie. Il prie à Dieu de se souvenir de celui qui avait voulu être oublié. Cependant, des troupes se rassemblaient de toutes parts pour aller châtier les Indiens. Les 8 roseaux, retirés du temple, avaient fait avorter le complot général chez les autres nations conjurées, excepté chez les Yazous, où le père Souël fut massacré. L'armée française arriva au fort Rosalie. Bien que divisés entre eux, les Natchez se défendirent avec courage, et Outougamise, qui pouvait à peine porter le poids de ses armes, fit admirer de nouveau sa valeur. Mais enfin, il fallut céder au torrent et quitter à jamais la patrie. Une nuit, les Natchez déterrèrent les os de leur père, les chargèrent sur leurs épaules, et mettant au milieu des jeunes guerriers les femmes, les vieillards et les enfants, ils prirent la route du désert sans savoir où ils trouveraient un asile. Le capitaine d'Artaguette se trouvait dans la division des troupes chargées d'attaquer les Chickasaws. Il exécuta devant l'ennemi une retraite où il s'acquit la plus grande gloire, mais où il perdit la vie avec son fidèle grenadier. Comme il ne périt qu'après avoir sauvé l'armée, on crut généralement qu'il avait cherché la mort. Adélaïde et Harley avaient quitté l'Amérique. La mère de Jacques s'était éteinte dans sa vieillesse. Le faible reste des Natchez exilés était déjà loin dans la solitude. Outougamise expira 5 lunes après avoir quitté la terre de la patrie. On sut alors qu'il avait continué à s'ouvrir les veines toutes les nuits pour rafraîchir l'urne du sang. Son sang s'épuisa avant son amitié. Il montra une joie excessive de mourir et laissa en héritage, c'était tout son bien, l'urne du sang et le Manitou d'or à la fille de René. On l'enterra, comme il avait enseveli son ami, sous un arbre inconnu. Quelques jours après sa mort, Tchelouta mit au monde une fille. Elle ferma les yeux en la portant à son sein, et quand elle l'eut allaitée, elle la suspendit à ses épaules. Elle continua d'en agir ainsi dans la suite, de sorte qu'elle ne vit jamais l'enfant qu'elle n'appelait que le fantôme. Mila, devenue veuve à son tour, portait toujours la fille de René, que Tchelouta ne voulut plus toucher de peur de la flétrir, après avoir enfanté une autre fille. Tchelouta ne pressait jamais sur son cœur cette autre fille sans éprouver des convulsions. L'amour maternel demandait des baisers que l'amour conjugal refusait. Dans les plaintes de l'innocence, Tchelouta entendait la voix du crime. Quelquefois, l'épouse de René était prête à déchirer l'enfant. Un sentiment plus fort, celui de la mère, rendait ses mains impuissantes. Qui pourrait peindre de pareils combats, de tels supplices? Mila faisait l'admiration des exilés. À peine ornée de 17 printemps, elle déployait un courage et une raison extraordinaires. Elle ne vivait que pour Tchelouta. Elle préparait sa couche, ses vêtements, sa nourriture. Elle était devenue la mère de la fille de René. Ses manières vives n'étaient point changées, mais elle gardait le silence et ne parlait plus que par signes et par sourires. Les Natchez trouvèrent enfin l'hospitalité chez une nation autrefois alliée de la leur. Un exilé, commençant la danse du suppliant, présenta le calumet des bannis. Il fut accepté. Un enfant apporta en échange une calebasse pleine du jus de l'érable et couronnée de fleurs. Alors les tentes de la patrie furent plantées dans la terre étrangère et les ossements des aïeux déposés à ses nouveaux foyers. Pour premier bienfait du ciel, la seconde fille de Tchelouta mourut. Le fantôme se replongea dans la nuit éternelle. Aucune mère n'alla répandre son lait sur le gazon funèbre. Tchelouta eût encore rempli ce pieux devoir si elle n'avait craint que le fantôme ne rentrât dans son sein avec le parfum des fleurs. la fille de René avait trouvé une patrie. La fille d'Ondouré était retournée à la terre. On s'aperçut que Tchelouta ne se croyait plus obligé de vivre, et l'on devina que Mila ne quitterait pas son amie. Un soir, lorsque les bannis prenaient leur repas à la porte de leur tente, Tchelouta sortit de la sienne. Elle était vêtue d'une robe de peau d'oiseau et de quadrupèdes cousus ensemble, ouvrage ingénieux de Mila. Ses cheveux blancs flottaient en boucle sur sa jeune tête ornée d'une couronne de ronces à fleurs bleues. Elle portait dans ses bras la fille de René, et Mila, à moitié nue, suivait sa compagne. Les bannis, étonnés et charmés de les voir, se levèrent, les comblèrent de bénédictions et leur formèrent un cortège. Ils arrivèrent tous ainsi au bord d'une cataracte, dont on entendait au loin les mugissements. Cette cataracte, qu'aucun voyageur n'avait visitée, tombait entre deux montagnes, dans un abîme. Tchelouta donna un baiser à sa fille, la déposa sur le gazon, mit sur les genoux de l'enfant le manitou d'or et l'urne où le sang s'était desséché. Mila et Tchelouta, se tenant par la main, s'approchèrent du bord de la cataracte, comme pour regarder au fond. Et, plus rapides que la chute du fleuve, elles accomplirent leur destinée. Tchelouta s'était souvenu que René, dans sa lettre, avait regretté de ne s'être pas précipité dans les ondes écumantes. Les femmes prirent dans leurs bras la fille de René, laissée sur la rive. Elles la portèrent au plus vieux sachem, qui en confia le soin à une matrone renommée. Cette matrone suspendit au cou de l'enfant le manitou d'or, comme une parure. Le nom français d'Amélie étant ignoré des sauvages, les sachem en imposèrent un autre à l'orpheline, qui vit ainsi périr jusqu'à son nom. Lorsque la fille de Tchelouta eut atteint sa 16e année, on lui raconta l'histoire de sa famille. Elle parut triste le reste de sa vie, qui fut courte. Elle eut elle-même, d'un mariage sans amour, une fille plus malheureuse encore que sa mère. Les Indiens chez lesquels les Natchez étaient retirés périrent presque tous dans une guerre contre les Iroquois, et les derniers enfants de la Nation du Soleil se vinrent perdre dans un second exil au milieu des forêts de Niagara. Il y a des familles que la destinée semble persécuter. N'accusons pas la Providence. La vie et la mort de René furent poursuivies par des feux illégitimes qui donnèrent le ciel à Amélie et l'enfer à Ondouré. René porta le double châtiment de ses passions coupables. On ne fait point sortir les autres de l'ordre sans avoir en soi quelques principes de désordre. Et celui qui, même involontairement, est la cause de quelque malheur ou de quelque crime, n'est jamais innocent aux yeux de Dieu. Puisse mon récit avoir coulé comme tes flots, ô Mecha Sebe. Fin de la section 21. Fin de Les Natchez de François René de Chateaubriand.